Ah, ça, on ne peut jamais être sûr de rien. On ne sait jamais ce qui va se passer. Mais ça ne fait rien. Dites-moi quand même ce que vous allez faire. Moi ? Vous voulez vraiment le savoir ? Eh bien, je crois que je vais vous inviter à prendre quelque chose à la terrasse de la Closerie des Lilas. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire ? Je crois que je vais accepter. Et moi, je peux venir ? Mais tu es encore là, toi ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tu sais tes leçons pour demain ? Ouais. Et tu as fait tes devoirs ? Ouais. Et tu les as finis ? Presque. Alors va les finir tout de suite. Oh, que tu peux t'embêter, toi ? Puisque vous êtes américain, vous devez savoir l'anglais ? Oui, un peu. Vous ne pouvez pas m'aider pour mon devoir d'anglais ? Peut-être. Alors, cet après-midi, à 2h, ici, ok ? Oh, ça ! On ne peut jamais être sûr de rien. On ne peut jamais être sûr de rien. On ne peut être jamais sûr de rien. D'après Mireille, de quoi est-ce qu'on peut être sûr ? De rien. Eh bien, je crois que je vais vous inviter à prendre quelque chose à la terrasse de la Closerie des Lilas. À la Closerie des Lilas. À la terrasse de la Closerie des Lilas. Je vais vous inviter à la terrasse de la Closerie des Lilas. Je vais vous inviter à prendre quelque chose. Je crois que je vais vous inviter à prendre quelque chose à la terrasse de la Closerie des Lilas. Qu'est-ce que Robert va faire ? Il va inviter Mireille à prendre quelque chose à la Closerie des Lilas. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire ? Je crois que je vais accepter. Je crois que je vais accepter. Qu'est-ce que Mireille va faire ? Elle va accepter. Et tu as fait tes devoirs ? Tu as fait tes devoirs ? Tu les as finis ? Presque. Est-ce que Marie-Laure a fini ses devoirs ? Vous voulez m'aider pour mon devoir d'anglais ? Vous voulez m'aider pour mon devoir d'anglais ? Vous voulez m'aider ? Vous voulez m'aider pour mon devoir d'anglais ? Peut-être. Alors, cet après-midi, à 2h, ici, ok ? Alors, cet après-midi, à 2h, ici. Cet après-midi, à 2h. Alors, cet après-midi, à 2h, ici. Quand Marie-Laure et Robert ont-ils rendez-vous ? Cet après-midi, à 2h.